chapitre 19e, sont dans les profondeurs. Lavinia Weston passa la soirée qui suivit sa visite à Marchmont Towers à son pupitre, qui, ainsi que tout autre objet lui appartenant, était un modèle de propreté et de convenance. Ce pupitre était parfait en son genre, quoiqu'il ne fût pas un merveilleux spécimen de bois de noyer et d'or bruni, ni une élégante construction en papier mâché et en nacre, mais simplement un pupitre de pensionnaire en bois de rose, garni de velours, qui n'avait pas coûté plus de 15 shillings ou d'une guinée. Mrs. Weston avait administré le rafraîchissement quotidien de thé peu fort, de pain rassis et de beurre fort à son obéissant mari, et l'avait renvoyé dans son laboratoire, espèce d'appartement au rez-de-chaussée ressemblant à une cave, qui était située sur le derrière du second salon d'apparat et ouvrait sur la rue du village par une petite porte. Le médecin était bien aise de s'occuper à préparer les drogues et les pilules dont pouvaient avoir besoin les malades de Kimberling, pendant que sa femme écrivait dans la chambre au-dessus de lui. Il quitta ses pots de faïence, son pilon et son mortier une fois ou deux dans le courant de la soirée, pour monter lourdement les 3 ou 4 marches menant au salon et regarder par le trou de la serrure la figure pensive de Mrs. Weston et sa main agile qui glissait rapidement sur le papier à lettres. Cette curiosité n'était pas motivée par le soupçon, c'était tout simplement l'admiration qu'il éprouvait pour sa femme qui le faisait agir ainsi. « Quelle tête est là ? » murmura-t-il avec ravissement, en redescendant se mettre à l'œuvre. « Quelle tête ?» La lettre que Lavinia Weston écrivit ce soir-là fut très longue. Elle était du nombre de ces femmes qui écrivent de longues lettres chaque fois qu'elles en ont l'occasion. En cette circonstance, elle noircit de sa petite et proprette écriture 2 feuilles de papier. Ces 2 feuilles contenaient le récit détaillé de l'entrevue qui avait eu lieu dans la journée entre la femme du médecin et Olivia, et la lettre était adressée à l'artiste, à Paul Marchmont. Peut-être fut-ce par suite des renseignements renfermés dans cette lettre que Paul Marchmont arriva chez sa sœur à Kimberling 2 jours après la visite de Mrs. Weston à Marchmont Towers. Il dit au médecin qu'il venait passer quelques jours dans le Lincolnshire pour changer d'air et se refaire des fatigues d'un travail pénible. Et George Weston, qui regardait son beau-frère comme un demi-dieu pour l'intelligence, se contenta très bien de cette explication de la visite de M. Marchmont. « Kimberling n'est pas un endroit bien gai pour vous, M. Paul, » dit-il d'un ton d'excuse. Il appelait toujours le frère de sa femme, M. Paul. « Mais je suis sûr que Lavinia s'arrangera de manière à vous mettre à votre aise. C'est elle qui m'a décidé à venir ici lors de la mort du vieux Downfield. Mais je ne crois pas qu'en ceci, elle ait agi avec son tact habituel, car je ne fais pas ici d'aussi bonnes affaires qu'à Stanfield. Je n'en dis cependant rien à Lavinia. » Paul Marchmont sourit. « Les affaires grandiront petit à petit, je présume, » dit-il. « Vous aurez probablement la famille de Marchmont Towers à soigner à l'avenir. » « C'est ce que prétend Lavinia, » répondit le médecin. « Mais cette John Marchmont ne peut refuser d'employer un parent, » dit-elle, « et en qualité de cousine germaine du père de Mary Marchmont, je dois, elle et non pas moi, vous savez, je dois avoir quelque influence de ce côté-là. Mais le malheur a voulu que, dans la semaine même de notre arrivée ici, la jeune fille disparut, et ceci met, comme on pourrait dire, des bâtons dans nos roues, vous savez. » M. George Weston se frotta le menton d'un air pensif après avoir parlé de la sorte. Ce n'était pas un homme qui eut l'habitude de passer ses heures de loisir, quand il en avait, ce qui était rare, dans la salle commune de public houses, où les affaires de la nation étaient arrangées et dérangées chaque soir par les habitants pendant qu'ils consommaient leur verre d'eau de vie à l'eau, et il regrettait de s'être éloigné de Stanfield, où il avait laissé ses plus vieilles connaissances. C'était un homme solennel qui ne hasardait jamais une opinion à la légère, peut-être parce qu'il n'avait jamais d'opinion à hasarder, et son air sérieux lui gagnait le respect des étrangers. Mais entre les mains de sa femme, il était plus doux que les pigeons du colombier situé derrière sa maison et plus malléable que la boule de cire blanche sur laquelle l'industrieuse Mrs. Weston avait l'habitude de frotter son fil quand elle s'engageait dans les mystères de cette science ardue et terrible que les femmes désignent, par paradoxe, sous le simple nom de travail de couture. Paul Marchmont se présenta aux Towers le lendemain de son arrivée à Kimberling. Son entrevue avec la veuve dura très longtemps. Il avait étudié chaque ligne de la lettre de sa sœur. Il avait pesé chaque mot échappé des lèvres d'Olivia et rapporté par Lavinia Weston. et prenant pour point de départ l'opinion qu'il s'était formée là-dessus, il avait, le scalpel en main, procédé à une autopsie intellectuelle. Il anatomisa l'âme de la malheureuse femme. Il lui fit avouer son secret et la força à mettre son cœur à nu devant lui, en arrachant tantôt un mot à son impatience et tantôt l'amenant à admettre une supposition, ne fût-ce que par un regard de défi, un froncement soudain de ses noirs sourcils, une compression involontaire des lèvres. Il l'obligea à se révéler à lui. Les pauvres Rosenkrantz et Guildenstern n'étaient pas très habiles dans cet art qui consiste, comme on dit vulgairement, à tirer les vers du nez, et furent facilement déjoués par quelques répliques adroites du prince danois. Mais Paul Marchmont aurait manié Hamlet avec plus de dextérité qu'un bon musicien ne manie son instrument, et aurait sondé les profondeurs les plus cachées de cette âme maladive et lunatique. Olivia se tordit sous la torture de cette inquisition polie, car elle savait que ses secrets lui étaient arrachés, que sa misérable folie, cette folie qu'elle aurait voulu se nier à elle-même, si la chose eût été possible, était dévoilée dans toute la nudité de sa faiblesse. Elle savait cela, mais elle était forcée de sourire en présence de son inquisiteur aux douces manières, de répondre à ses banales expressions d'intérêt à propos de l'absence prolongée de la jeune héritière, et de recevoir humblement des conseils sur la manière d'agir qu'elle devait adopter. Il avait l'air de répondre à ses suggestions à elle, plutôt que de dresser lui-même un plan quelconque. Il affectait de croire qu'il ne faisait qu'abonder dans les idées préconçues de la veuve, tout en lui imposant ses vues particulières. « Nous sommes donc tout à fait du même avis sur ce point, cher Mrs. Marchmont, » dit-il enfin. « Cette malheureuse jeune fille ne doit pas rester absente de sa demeure légitime plus longtemps qu'il nous sera possible de l'éviter. Il est de notre devoir de la trouver et de la ramener ici. J'ai à peine besoin de vous dire que vous, qui êtes liée à elle par tous les liens de l'affection, et qui de plus avez les plus grands droits à sa reconnaissance, parce que vous avez accompli avec zèle et dévouement la mission qui vous était confiée. On apprend tout cela, Mrs. Marchmont, dans un village comme Camberling. J'ai à peine besoin de vous dire que vous êtes la personne le plus à même de rappeler l'orpheline au sentiment du devoir. Si tant est qu'on puisse les rappeler, ajouta Paul Marchmont après une pause soudaine et un soupir gros de pensée. « Je crains parfois. » Il s'arrêta brusquement, attendant qu'Olivia le questionnât. « Vous craignez parfois ?»« Que l'erreur dans laquelle est tombée Miss Marchmont ne soit le résultat d'une faiblesse mentale plutôt que d'une faiblesse morale. Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire ceci, chère Mrs. Marchmont, » répondit l'artiste gravement. « L'une des plus grandes preuves que puisse fournir un homme de l'état parfait de son cerveau. » C'est la puissance qu'il a d'assigner un motif raisonnable à chaque action de sa vie. Peu importe que l'action en elle-même soit des plus déraisonnables, si le motif de cette action peut être démontré. Mais du moment qu'un homme agit sans motif, nous commençons à prendre l'alarme et à le surveiller. Il est excentrique. Sa conduite n'est plus dictée par les règles ordinaires, et nous commençons à attribuer ses excentricités à quelque faiblesse de jugement ou d'intelligence. Et maintenant, je vous le demande, quel motif peut avoir eu Mary Marchmont pour s'enfuir de cette maison ? Olivia baissa les yeux sous le regard froid et perçant de l'artiste, mais elle n'essaya pas de répondre à sa question. « La réponse est très simple, » continua-t-il après cette longue observation de la figure de la veuve. « La jeune fille ne pouvait avoir aucun motif pour s'enfuir et d'autre part, tous les motifs raisonnables qui guident les actions d'une femme parlent bien haut. » Contre elle. Elle avait un intérieur heureux, une belle-mère très bonne. Elle allait en quelques années devenir incontestablement la maîtresse d'un très beau domaine, et pourtant, aussitôt après avoir assisté à un bal, selon toutes les apparences, cette jeune fille s'éloigne au cœur de la nuit, abandonnant la maison qui lui appartient et n'assignant aucune raison à tout ce qu'elle fait. Y a-t-il lieu de vous étonner dès lors que je regarde comme confirmé l'opinion que je me formais sur elle le jour de la lecture du testament de mon cousin. Quelle opinion ? Que Mary Marchmont est aussi faible d'esprit qu'elle est frêle de corps. Il lança cette phrase hardiment et attendit la réponse d'Olivia. Il avait découvert le secret de la veuve. Il avait deviné la cause de sa haine jalouse contre Mary Marchmont, mais il ne soupçonnait pourtant pas encore la nature de la lutte terrible que soutenait intérieurement cette femme désespérée. Elle ne pouvait devenir perverse tout d'un coup. À chaque nouvelle faute, elle opposait une nouvelle tentative et elle ne voulait pas accepter le mensonge que l'artiste désirait lui imposer. « Je ne crois pas qu'il y ait aucune faiblesse d'esprit chez ma belle-fille, » dit-elle résolument. Elle commence à comprendre que Paul Marchmont voulait se liguer avec elle contre l'héritière orpheline, mais elle ne devinait pas encore quel était son motif pour agir ainsi. Elle était lente à comprendre les sentiments qui étaient complètement étrangers à sa nature. Il y avait si peu de bassesse et de cupidité dans l'âme de cette étrange femme que si la lumière d'une bougie eût été le seul obstacle qui l'empêchait de devenir maîtresse de Marchmont Towers, je doute qu'elle eût jugé convenable pour ses instincts de se donner la peine de souffler pour l'éteindre. Elle avait vécu loin du monde et hors du monde, et il lui était difficile de s'imaginer les vilainies et les indignités qu'engendre le culte du veau d'or. Paul Marchmont recula un peu devant la réponse directe que la veuve lui avait faite. « Vous croyez donc que Miss Marchmont est un esprit fort, peut-être » dit-il. « Non, pas esprit fort. Ma chère Mrs. Marchmont, vous êtes paradoxale, » s'écria l'artiste. « Vous dites que votre belle-fille n'est ni esprit faible ni esprit fort. » « Elle est assez faible, peut-être, pour se laisser influencer par d'autres personnes. Elle est assez faible pour croire tout ce qui plaira à mon cousin Edward Arundel de lui dire. Mais elle n'est pas ce qu'on appelle généralement faible d'esprit. » « Vous la croyez parfaitement en état de veiller sur elle-même. » « Oui, je la crois en état. » « Et pourtant cette fuite m'a presque l'air de... »« Mais je ne veux pas vous imposer une conviction désagréable, ma chère madame. Je pense, ainsi que vous semblez le suggérer vous-même, que ce que nous avons de mieux à faire, c'est de ramener cette pauvre jeune fille ici le plus promptement possible. Cela n'est pas convenable pour la maîtresse de Marchmont Towers d'errer dans le monde avec M. Edward Arundel. Je vous en prie, excusez-moi, Mrs. Marchmont, si je parle un peu irrespectueusement de votre cousin, mais réellement, je ne crois pas que ce gentleman ait agi très honorablement dans cette affaire. » Olivia garda le silence. Elle se souvenait de l'indignation et de la colère du jeune soldat, du défi qu'il avait lancé au moment où il s'était éloigné au galop de la lugubre façade occidentale. Elle se souvenait de tout cela, et malgré elle, elle établissait un parallèle entre la conduite d'Edward Arundel et la causerie caressante de Paul Marchmont, sous laquelle se cachait un sombre projet qu'elle commençait à voir poindre vaguement dans son esprit. Si elle avait pu croire que Mary Marchmont était folle, si elle avait pu croire qu'Edward Arundel était vil, elle aurait été contente car alors sa méchanceté aurait eu son excuse. Mais elle ne pouvait avoir de semblables pensées. Elle glissa peu à peu dans le sombre gouffre, entraînée tantôt par sa folle passion et tantôt par les arguments captieux de Paul Marchmont. Entre cet homme et 11 000 livres de rente se dressait un seul obstacle, la frêle existence d'une pauvre jeune fille. Pendant 3 ans, cela avait été ainsi, et pendant 3 ans, Paul Marchmont avait attendu, patiemment comme c'était son habitude d'attendre, l'heure et le moment favorable pour agir. L'heure et le moment étaient venus, et cette femme, Olivia Marchmont, était seule à lui barrer le chemin. Elle devait devenir ou son ennemi ou son instrument. Elle devait être déjouée ou servir ses projets. Il avait maintenant sondé les profondeurs de sa nature, et il était décidé à faire d'elle un instrument. « Ce sera mon affaire de découvrir l'endroit où se cache cette pauvre enfant, » dit-il. « Quand sa cachette sera trouvée, je me mettrai en communication avec vous, et je sais que vous ne refuserez pas d'accomplir la mission qui vous a été confiée par votre défunt mari. Vous ramènerez votre belle-fille dans cette maison, et vous la protégerez dorénavant contre la dangereuse influence d'Edward Arundel. » Olivia jeta sur son interlocuteur un regard où se peignait quelque chose de semblable à la terreur. C'était comme si elle lui dit « Êtes-vous le diable pour venir me tenter ainsi et faire servir mes passions à votre projet ?» Puis elle fit un compromis avec sa conscience. « Croyez-vous que ce soit mon devoir d'agir ainsi ?» demanda-t-elle. « Mais sans doute, chère Mrs. Marchmont. Alors je le ferai. Je veux faire mon devoir. » Et vous ne pouvez accomplir un plus grand acte de charité qu'en ramenant cette malheureuse jeune folle au sentiment de son devoir. Souvenez-vous que sa réputation, son bonheur futur, peuvent être perdus par cette imprudente conduite qui, je regrette de le dire, est généralement connue dans le voisinage. Pardonnez-moi si j'exprime mon opinion trop librement, mais je ne puis m'empêcher de songer que si les intentions de M. Randell avaient été strictement honorables, il vous aurait déjà écrit pour vous dire que ses recherches de la jeune fille absente n'ont eu aucun résultat, ou bien, s'il l'a trouvée, qu'il profiterait de la première occasion favorable pour la ramener aux Towers. La position de ma pauvre cousine, qui est un peu sans protecteur, sa fortune et son inexpérience du monde, la mettent à la merci d'un chercheur de fortune, et M. Randell n'a que ce qu'il mérite, si sa conduite donne lieu à croire qu'il cherche à compromettre cette jeune fille aux yeux du monde, pour s'assurer ainsi de votre consentement, un mariage que lui abandonnerait la haute main sur les biens de ma cousine. » Le sein d'Olivia se soulevait, sous la violence des battements de son cœur. Devait-elle rester là, calme et silencieuse, pendant que cet homme calomniait le brave jeune soldat, le hardi, insouciant et généreux enfant qui avait illuminé les ténèbres de sa vie à elle? Et lui était apparu comme l'incarnation de tout ce qui est noble et admirable sur terre. Devait-elle rester tranquillement assise à écouter un étranger qui insultait à l'honneur, à la franchise et à la noblesse de son cousin? Oui, il le fallait. Cet homme lui avait offert un prix en échange de la vérité et de son âme. Il était tout prêt à lui prêter main forte pour la vengeance qu'elle désirait. Il était tout prêt à lui venir en aide pour séparer les innocents jeunes amants dont la pure affection avait empoisonné sa vie, dont le bonheur était pour elle pire que la mort. Elle garda donc le silence et attendit que Paul reprît la parole. « J'irai à Londres demain, et je me mettrai sur le champ à l'œuvre pour découvrir l'orpheline, » dit l'artiste en se levant pour prendre congé de Mrs. Marchmont. « Je ne pense pas qu'il me soit bien difficile de trouver la retraite de cette jeune fille. Mon premier devoir sera de découvrir M. Randell. Vous pouvez peut-être me donner l'adresse de quelque endroit à Londres où votre cousin a l'habitude de descendre. Oui ? Merci. Cela simplifiera la question. Je vous écrirai le résultat de mes recherches et je vous laisserai ensuite le soin de compléter la tâche. Mon influence sur Mary Marchmont en ma qualité d'étranger serait nulle. La vôtre, au contraire, doit être sans borne. Ce sera à vous d'agir d'après ma lettre. » Olivia Marchmont attendit deux jours et deux nuits la lettre promise. Elle arriva dans la matinée du troisième jour. L'épître de l'artiste était très courte. « Ma chère Mrs. Marchmont, j'ai fait la découverte nécessaire. Vous trouverez Miss Marchmont à l'auberge du Cerf-Blanc à Milday, près de Winchester. Puis-je me permettre de vous engager à vous rendre sans retard auprès d'elle ? Votre très dévoué, Paul Marchmont. Charlotte Street, Fitzroy Square, le 15 août. »